Après Shane Gauthier l'an dernier, Dolbo Mistassini a un deuxième joueur repêché par une formation de la Ligue canadienne de football. Alexandre Gagnon a été repêché par les Stampeders de Calgary récemment. Et tout le personnel et la direction de Dolbo Auto est très heureux et félicite Alexandre. Un bel exemple de ténacité et détermination pour notre jeunesse. Notre département des ventes vous invite à venir voir nos différents modèles, Sierra et Silverado, à partir de 10 500 $. Dolbo Auto, 1770 Boulevard Wahlberg à Dolbo-Mistassini, 418-276-0580. On a parlé beaucoup d'Alexandre Gagnon, mais là, il y a un autre joueur de Dolbo. On surveille de très très près, c'est Shane Gauthier à Winnipeg. Shane qui a disputé son premier match samedi contre les Riders d'Origina. On a parlé avec notre collaborateur qui suit les activités des Bombers et des Stamps, Marc-Éric Bouchard. Ça va un peu comment ça avait été, mais on rejoint le principal intéressé à Winnipeg. Salut Shane! Shane, comment ça va au camp des Bombers? Je voyais que j'avais entendu dire à travers les branches que c'était que ton poste pourrait être menacé. Est-ce que c'est vraiment le cas? Il n'y avait aucun poste d'assuré. J'avais pas de poste d'assuré. Ça, le camp va super bien. Je pense que je fais ce que j'ai à faire. Puis j'ai eu des bons moments lors de la game hors concours. Okay. Même si j'ai pas eu l'occasion d'être sur le terrain beaucoup. Je pense que j'ai un bon camp, j'ai des bons commentaires. Fait que non, je pense pas que y a pas de poste de conquis encore. Fait que j'ai pas de poste qui m'échappe en ce moment. OK. Comment t'as joué de temps, Regina? Est-ce que t'as joué quand même pas mal? J'ai su que bon, on m'a dit que c'était beaucoup sur l'unité spéciale encore, c'est ça? Non, j'ai pas joué énormément. Je pense qu'ils voulaient plus voir les nouveaux venus à Winnipeg. J'ai joué un petit peu au début du match de l'unité spéciale. Puis j'ai joué la fin du quatrième quart en défensive. OK. Donc le match de jeudi pourrait être très déterminé pour toi, là. Je ne sais pas si je vais jouer, les décisions ne sont pas faites encore sur qui va être habillé au match ou non. Si je joue, je vais être prêt, c'est certain, mais je vais être prêt à montrer que je suis capable de jouer, mais il n'y a pas eu de décision prise encore. OK. Donc depuis le début, est-ce que tu sens que ça va beaucoup mieux que l'année passée? On s'était parlé avant le début du camp, tu disais que c'était mieux préparé. Vraiment, est-ce que ta nouvelle préparation a vraiment payé? Oui, c'est certain. Je connais déjà le cahier de jeu. Évidemment, je suis pas blessé non plus. Ben oui, c'est la différence. J'ai pu participer à tous les entraînements. J'ai pas eu de problème au niveau physique. Alors, c'est certain que oui, ma préparation a été bénéfique pour ce camp-là. OK. Est-ce que les Bombers, ce que c'est comparé à l'année passée, je me sens qu'ils n'ont pas fait beaucoup, beaucoup de transactions. Est-ce que c'est une équipe quand même améliorée pas mal, les choix repêchage de ce que tu as vu? Voilà, on a eu quelques bons joueurs repêchés. Okay. C'est certain que le noyau de l'équipe est resté le même. Oui, c'est ça. Mais oui, c'est certain que étant donné que le noyau est le même, il y a déjà une bonne chimie déjà qui s'est installée. Puis je pense que au niveau cahier de jeu et tout, je pense qu'on est déjà beaucoup plus avancé que l'année dernière à la même date. OK. Donc on va savoir quand tu vas jouer bientôt. C'est. On devrait avoir des nouvelles demain. OK. Shane, gros merci. On va se texter la semaine prochaine. On va se texter pour savoir qu'est-ce qui se passe, puis au plaisir de se reparler. Merci. Shane Gauthier de Dolbo-Mistassini qui est au camp des Bombers de Winnipeg.